بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة هذه الرسالة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وقد سماها العقيدة الصحيحة وما يضادها. ونحن قرأنا في أركان الإيمان، وقرأنا الأركان الخمسة وتوقفنا عند الخامس، فنكمل السادس. Donc nous continuons à lire ce livre qu'a écrit الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله concernant la croyance correcte et ce qui s'y oppose. Et dans les deux cours précédents, nous avons pu étudier les cinq premier pilier de la foi. Et nous allons compléter ici en lisant le sixième. والبارحة أخطأت في آية في قول الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال أنا زد وإسرافيل، وهذا خطأ، لا يوجد إسرافيل في الآية. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والذي يسمعني أختي يصححني ما يستحي. Hier, je me suis trompé dans le verset dans lequel Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de Jibril, de Mikael, et moi j'ai rajouté et de Israfil, alors que dans le verset il n'y a pas Israfil. Donc celui qui m'entend me tromper, qu'il n'hésite pas à me corriger, car on est tous on peut tous se tromper. قال رحمه الله سادسا الإيمان بالقدر. وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة. Maintenant nous allons rentrer dans le sixième pilier de la foi. C'est la croyance au destin, en la destinée. أما القدر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى القدر قدرة الله أي أن الله على كل شيء قدير، فهو الذي قدر كل شيء، متى تموت، كيف تموت، أين تموت. قال الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت، فكل ما يحصل يحصل بقدر الله سبحانه وتعالى. القدر لمن أحمد لا ديفيني en disant c'est la capacité d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est capable de tout, et c'est lui qui a destiné toute chose. Il sait quand tu vas mourir, comment tu vas mourir, et Allah a dit dans la fin de Surat Luqman, et personne ne sait, ou aucune âme ne sait ce qu'elle va faire demain. Et personne ne sait où est-ce qu'il va mourir. Donc, Al-Qadr, ça fait partie des six piliers de la foi. Al-Imanu bihi wajib. Wa man la yu'minu bil-Qadr, la imana lah. Laysa bimu'min 'inda Allah. La croyance au destin est une obligation. Celui qui ne croit pas au destin n'est pas un croyant chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wal insan al muslim ya'lamu anna Allah 'azza wa jalla hakimun 'alim. Le musulman sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est hakim, sage. Lahu al hikma al baligha al kamila. Allah 'azza wa jalla, il est sage. Tout ce qu'il fait, il y a derrière une sagesse. Il y a derrière une raison parfaite. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala fait des choses et il t'explique directement pourquoi. Des fois, il ne t'explique pas. Avec la vie et avec l'expérience, tu vas comprendre et tu vas apprendre. Et des fois, il ne te le montre pas et tu le seras peut-être longtemps après, peut-être même que tu ne le seras pas. Mais à partir du moment où tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala hakim, bima'na annahu la yadhlimu ahada, il ne fait d'injustice à personne, et que tout ce qu'il prend comme décision est juste et bonne, et tout ce qu'il décrète et qu'il décide est parfait. Quand tu vas savoir ça, et deuxièmement que tu vas savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-alim ya'lamu kulla shay la yakhfa 'anhu shay, il connaît toutes les choses et rien ne lui est caché. Cette croyance-là va t'aider à comprendre ou à accepter tout ce qui vient d'Allah. والمؤمن لا بد أن يقبل كل ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان. Le musulman doit prendre et écouter et obéir tout ce qui vient d'Allah. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Les croyants ont dit, nous avons écouté et nous avons obéi. Pardonne-nous notre Seigneur. C'est vers toi que s'effectuera notre retour. Et Allah Azza wa Jalla a aussi dit, إِنَّمَا قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. La parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, n'est que de dire, nous avons entendu et nous avons obéi. Et voici ceux qui vont récolter le succès et qui réussiront. هذا المؤمن المؤمن ما يقول لماذا وكيف لماذا الله أراد هذا ولماذا قدر لا المؤمن لا يقول هذا المؤمن يقبل كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى هذا واضح سكلا قال الأمر الأول أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون وعلم أحوال عباده وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى كما قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فالإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور معنى هذا ما هو الإيمان بالقدر الجواب أربعة أشياء Qu'est-ce que implique la croyance au destin? La réponse, quatre choses. La première, la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science et la connaissance parfaite de toutes choses. Il sait ce qui s'est passé dans le passé. Il sait ce qui se passe actuellement, au présent. Il sait ce qui va se passer plus tard. Et il sait aussi Il connaît toutes les choses qui ne se sont pas passées. Si ces choses-là avaient eu lieu, comment elles auraient été? علم الله كامل يعلم ما كان وما يكون الآن وما سيكون بعد الآن وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم الله عز وجل كل شيء. هذا من الإيمان بالقدر. Donc nous devons croire qu'Allah connaît tout et qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît les situations de ses serviteurs. Ahwal ibadi, subhanahu wa ta'ala. Kayfa takun al-yawm, kayfa kunta al-bariha, kayfa satakunu ghadan in kunta ghadan wa hakadha. Allah sait comment tu étais hier, alaykum salam. Comment tu es aujourd'hui? Comment seras-tu demain si demain tu vis? Etc. Wa 'alima arzaqahum. Il connaît la subsistance de chacun. Ya'lamu amwalaka, sihhataka, awladaka. Il connaît ton argent, il connaît ta santé, il connaît tes enfants, il connaît tout ce que tu as comme subsistance. Wa ajalahum mata tamut. Quand est-ce que tu mourras? Allah sait tout cela. Wa a'malahum, et il sait tout ce qu'on fait. Subhanahu wa ta'ala. Wa ghayra dhalika min shu'unihim. Et bien d'autres choses encore parmi toutes les choses que l'on fait. La yakhfa 'alayhi min dhalika shay'un subhanahu. Aucune de toutes ces choses ne lui est cachée. Il connaît tout. Comme Allah a dit dans le Coran, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Certes, Allah est connaisseur et savant de toutes choses. Et également Allah a dit, Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de tout. Et qu'Allah a embrassé par sa, qu'Allah a englobé avec sa science toute chose. C'est-à-dire, le début du verset, bidayatul al-ayah hatta yakuna awdah, qala Allah azza wa jalla, Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun, yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu khalaqa as-samawati wal-ard lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir. Le début du verset, Allah est celui qui a créé les sept cieux et un nombre égal de terres, et l'affaire descend. Ensuite Allah dit, afin que vous sachiez, Allah a créé les cieux et la terre, afin de nous montrer une chose, quelle est-elle? Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de tout, et que la science d'Allah a englobé toute chose. هذا الأمر الأول ما هو أن تؤمن أن الله عليم بكل شيء. واضح. La première chose, tu dois croire qu'Allah connaît toute chose. الأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الأمر الثاني ما هو؟ أن يؤمن المسلم أن الله عز وجل كتب كل شيء كل ما يكون وسيكون كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. Allah, donc la deuxième chose, c'est de croire qu'Allah a écrit tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer est écrit par Allah. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, ça a été écrit par Allah. Le geste que je fais, il a été écrit par Allah. La respiration, elle a été écrite par Allah. Tout ce qui se passe a été écrit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, certes, Allah a écrit la destinée de chaque chose 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah avait déjà écrit tout ce qui allait se produire. Et dans le verset, Allah nous dit, dans ce verset dans Surat Qaf, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Allah Azza wa Jal يقول للكفار أنه يعلم حينما يدفنون تحت التراب في قبورهم أن الأرض تأكل أجسادهم. والله عز وجل قد قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، علمنا أن الأرض تأكلهم شيئا فشيئا. وعندنا كتاب حفيظ، كتاب محفوظ، قد كتب فيه كل شيء. الله عز وجل dit dans ce verset, nous savons certes ce que la terre diminue d'eux-mêmes, nous savons certes ce que la terre diminue d'eux-mêmes, et certes cela est auprès de nous dans un livre, cela est auprès de nous dans un livre qui est préservé. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'il sait tout ce que l'homme fait, et qu'il sait également, Allah dit, certes nous savons ce que la terre rongera d'eux, de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. Donc Allah, il nous montre qu'il sait même ce que la terre mange des corps de l'homme quand il est enterré. Et il nous dit que tout cela est conservé, c'est-à-dire est enregistré dans un livre. C'est le livre où Allah a écrit tout ce qui va se passer. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Et chaque chose, nous l'avons enregistré dans un livre. معنى هذه الآية أنه سبحانه وتعالى كتب كل شيء في كتاب وسجل كل شيء سبحانه وتعالى. Allah nous dit dans ce verset, et nous avons dénombré toute chose dans un registre explicite. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah dit, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ. كُلُّ مَا يَكُونُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُسَجَّلْ فِي كِتَابٍ. Tout ce qui a lieu dans les cieux de la terre est écrit par Allah dans un livre. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Certes, cela est facile pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Idan al-amr al-thani an tu'mina أن الله كتب كل شيء ولذلك تقول هذا المكتوب قدر الله ما شاء فعل المكتوب أي الله كتب هذا. C'est pour cela qu'on appelle le destin dans nos pays, dans le Maghreb, on dit tout le temps c'est le maktoub, c'est l'écrit. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui se passe. الأمر الثالث الإيمان بمشيئته النافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كما قال سبحانه إن الله يفعل ما يشاء وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. La troisième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la volonté. Il a la volonté. D'accord? Et que tout ce qui se passe est le résultat de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela ne veut pas dire que toi, tu n'as pas la volonté. Tu as la volonté, car là, si je te tends un verre d'eau, tu as le choix, et tu sais que tu as la volonté. Et si tu as envie de le boire, tu vas le boire. Et si tu ne veux pas le boire, tu vas le reposer, tu ne vas pas le boire. Donc, tu sais que tu as une volonté, et tu as le choix, tu as le libre arbitre. Tu as le choix de faire ce que tu veux. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ta volonté, lorsque tu as le choix et tu prends la décision de faire une chose, à la fin, c'est Allah qui valide ou non cette chose. Et c'est Allah Azza wa Jal qui décide si cette chose va se passer ou non. Parce que tu es dans le royaume d'Allah. Anta fi mulkillah. Fala yumkin an taf'ala shay'an la yuriduhu Allah. Tu ne peux pas dans le royaume d'Allah faire une chose qu'Allah ne veut pas. Subhanahu wa ta'ala. Mais tu sais que lorsqu'Allah a voulu qu'une chose se passe, c'est parce qu'il est sage. Il sait pourquoi cette chose se passe. Et il sait les conséquences et les résultats de cette chose, même si toi tu ne les connais pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna Allah yaf'alu ma yasha. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Donc Allah a la volonté. Et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit également, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Certes, son ordre, lorsqu'il veut une chose, ne suffit que de dire « soit » et cette chose existe. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut te guérir, il dit « كُنْ ». إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يَشْفِيَكَ يَقُولْ كُنْ فَأَنْتَ شُفِيتَ. إذا أراد الله عز وجل أن يرزقك أموالا يقول كن عندك الأموال. الله عز وجل يفعل ما يشاء. Lorsqu'Allah décide une chose, il n'a qu'à dire soit cette chose existe. Et rien n'est difficile pour Allah. C'est pour cela que le musulman doit s'accrocher à Allah et pas à autre qu'Allah. المسلم يتعلق بالله لا يتعلق بآخر أو بغير الله. يتعلق بالله الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. Le musulman s'accroche à Allah, qui est celui qui, lorsqu'il veut une chose, n'a qu'à dire soit et cette chose existe. Et Allah nous montre dans le troisième verset que le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a cité que nous avons également le choix et la volonté et le libre arbitre. قال عز وجل في بداية الآية لمن شاء منكم أن يستقيم. Pour celui d'entre vous qu'il veut qu'il se mette, ou pour celui d'entre vous qui veut se mettre dans le droit chemin. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pourrez vouloir que si Allah veut. C'est-à-dire que tu as la volonté, et tu as le libre choix. Et si Allah Azza wa Jal valide cette chose aura lieu. Et si Allah veut que cette chose ne se passe pas, même si toi tu le veux, tu ne l'auras pas. Est-ce que c'est clair? واضح. La quatrième chose, الأمر الرابع, خلقه سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره ولا رب سواه كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. La quatrième chose, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala خلق الناس من أولهم إلى آخرهم وخلق ما كان وما يكون وما سيكون كل هذا تحت خلق الله الخالق سبحانه وتعالى. Allah a créé tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce qui se passe est le résultat de la création d'Allah سبحانه وتعالى. Allah a dit dans le verset, Allah est le créateur de toutes choses et il est le garant de toutes choses. Et dans l'autre verset, Allah nous dit, ô vous les gens, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Avez-vous un autre créateur qu'Allah qui vous octroie la subsistance du ciel et de la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'Allah qui fait tomber la pluie et qui fait pousser les fruits et les légumes? La réponse est non. Allah dit, la ilaha illa hu. Personne d'autre, aucune autre divinité que lui ne mérite l'adoration. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ كَيْفَ تَبْتَعِدُونَ عَنِ اللَّهِ إِذَا عَرَفْتُمْ هَذَا إِذَا فَهِمْتُمْ هَذَا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. Comment donc vous éloignez-vous si vous savez tout cela? إذن الإيمان بالقدر هذه الأمور الأربعة. الإيمان بعلم الله الكامل وأن الله كتب كل شيء وأن الله عز وجل شاء ما شاء أن يكون وأن الله خلق كل شيء. Donc c'est la croyance au destin consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses et que rien ne lui échappe et rien n'échappe à sa connaissance. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui va avoir lieu jusqu'au jour de la résurrection. Troisièmement, Allah a voulu tout ce qui se passe pour une sagesse parfaite. Soit on la connaît, soit on ne la connaît pas, mais Allah lui la connaît et Allah ne fait rien sans raison et sans sagesse. Quatrièmement, Allah a créé tout ce qui se passe et tout ce qui existe. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. Ensuite, il nous dit, la croyance au destin englobe les quatre points que nous avons cités chez les gens de la sunna et du consensus, contrairement aux innovateurs qui ont réfuté certaines de ces quatre choses que nous avons citées. فبعض الناس قال انكروا هذه الامور او انكروا شيئا من هذه الامور وهؤلاء ليسوا اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الاربعة. واضح. Les gens de la sunna croient en ces quatre choses. Et certains parmi les gens qui se sont égarés et ont suivi un chemin autre que celui de la sunna ont réfuté certains de ces quatre points que nous avons cités. ثم قال الآن انتهينا من ذكر الأركان الستة. Maintenant, nous avons fini de citer les six piliers de la foi. ونحن نواصل في دراسة العقيدة الصحيحة. Et nous sommes en train de continuer à étudier la croyance correcte. Et nous avons dit que la base ou les bases de la croyance correcte sont les six piliers de la foi. أصول الإيمان الصحيح هذه الأركان الستة. ثم نرى الزيادة. Et après nous allons voir ce qu'il y a après ces six piliers. ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر والزنا التي دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. Il nous dit, après qu'on ait étudié les six piliers de la foi, il fait également partie de la foi en Allah de croire que la foi est un ensemble de paroles, d'actes, c'est-à-dire que c'est un ensemble de paroles avec la langue, d'actes avec les membres et de croyances avec le cœur, et que la foi augmente et diminue. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو ثلاثة أمور. الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح واعتقاد بالجنان أي اعتقاد بالقلب. فأنت تقول سبحان الله هذا من الإيمان وهذا في اللسان، وأنت تصلي هذا من الإيمان وهذا في الجوارح، وأنت تعتقد وتؤمن أن الله على كل شيء قدير هذا من الإيمان وهذا في القلب. Donc la croyance consiste en trois choses. La croyance consiste en trois choses. Des paroles, tout ce qui sort de ta bouche, qui est prononcé par ta langue, qu'Allah aime, fait partie de la foi. Lorsque tu dis subhanallah, cette parole fait partie de la foi, parce que tu l'as prononcée avec ta langue. Lorsque tu accomplis la prière, cet acte fait partie de la foi, parce que cela vient de tes membres. Et lorsque tu crois qu'Allah est capable de tout, cela fait partie de la foi, parce que c'est dans ton cœur. Donc la foi est un ensemble de ces trois choses. Dans la langue, les paroles de la langue, les actions du corps, et les actes cachés du cœur, qui sont les croyances. Alaykum salam wa rahmatullah. Ma dalil ala hadha? Quelle est la preuve de cette chose-là? قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الآن تأملوا هذا الحديث. Quelle est la preuve que la foi consiste en ces trois choses? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi a 70 et quelques branches. La plus grande branche de la foi consiste à dire la ilaha illallah. La plus petite branche de la foi consiste à enlever quelque chose qui est nuisible dans la route des gens. Tu enlèves un bâton, un bout de verre, etc. Et il dit, et la pudeur fait partie de la foi. Étudions ce hadith. قال قول لا إله إلا الله وهذا يأتي من أين من اللسان قول لا إله إلا الله ثم قال إماطة الأذى عن الطريق هذا من أين من الجوارح بيدك ثم قال والحياء شعبة من الإيمان أين الحياء الحياء في القلب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يتضمن هذه الأمور الثلاثة. Le prophète nous dit, la plus grande branche de la foi consiste à ce que tu dises la ilaha illallah. Et c'est une parole que l'on prononce avec la langue. Ensuite, il nous dit, et la plus petite branche de la foi consiste à enlever du chemin des gens ce qu'ils gênent, comme ce que nous avons déjà cité comme exemple. Donc cela se fait avec les membres. Et il nous dit, et la pudeur fait partie de la foi. Où se trouve la pudeur? Dans le cœur. Donc le prophète nous a dit, la foi a 70 et quelques branches. Et il nous a montré que parmi ces branches, il y en a qui font partie des paroles de la langue, d'autres dans le cœur, d'autres dans les membres. واضح الإيمان أقوال أعمال وعقيدة في القلب. هذا هو الإيمان. هذا الإيمان يزيد وينقص. متى يزيد ومتى ينقص؟ يزيد بالطاعة. تطيع الله عز وجل الإيمان يزداد كما قال عز وجل ليزداد الذين آمنوا إيمانا فإذا ازداد الإيمان فمعنى هذا أنه قد ينقص فمتى ينقص بالعمل السيء. Donc là, cette foi dont on parle, elle monte et elle descend. Quand est-ce qu'elle monte? Lorsque la personne fait des bonnes actions. Plus la personne fait des bonnes actions, plus sa foi augmente. Et tout le monde ici sait cela. Tout le monde connaît. Plus il vient à la mosquée, plus il écoute le rappel, plus il fait des sadaqa et as-sawm, le jeûne, plus il voit que sa foi, elle monte. Et plus il fait des péchés, des fautes et des khatas, dhunub, ma'asi, plus il voit que sa foi baisse. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, afin que la foi de ceux qui ont cru augmente. Donc si Allah nous dit que la foi augmente, ça veut dire qu'elle baisse. Elle baisse avec les péchés. ثم قال وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر. فما il nous dit, il n'est pas permis de taxer un musulman de mécréant pour un péché qu'il aurait commis qui est en dehors ou en bas ou en dessous du shirk ou du kufr. فالآن فهمنا المعاصي تنقسم إلى معاصي كفرية ومعاصي فسقية. بمعنى أن الإنسان قد يعمل شيئا ذنبا يكفر بالله إذا عمله وقد يعمل ذنبا لا يكفر بالله ولكن إيمانه ينقص. فالذي يأتي ويستهزئ بالقرآن أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إثم، ومع ذلك وفي نفس الوقت إثم يوجب لصاحبه الكفر، يكفر. من سب الرسول يكفر، ومن سرق يكفر لا يكفر لا يكفر. فcelui nous avons vu dans sa parole que les péchés se divisent en deux. Il y a des péchés qui font sortir de l'islam et d'autres qui ne le font pas. Et les péchés qui font sortir de l'islam sont la mécréance et le shirk. Celui qui adore autre qu'Allah ou qui fait un acte de mécréance sort de l'islam parce qu'il a fait un péché qui a pour conséquence sa sortie de l'islam. Mais celui qui vole, est-ce qu'on va dire de lui que c'est un mécréant? الذي يسرق كافر انا اسالكم لا ليس بكافر. الذي يشرب الخمر من المسلمين كافر؟ لا. الذي سب الرسول كافر؟ لا شك. Vous avez vu la différence? Donc des fois il y a des péchés qui te font sortir de l'islam et des fois d'autres ne te font pas sortir de l'islam. Celui qui adore autre qu'Allah ou qui fait un acte de mécréance va sortir de l'islam. Mais celui qui fait un péché en dessous de ça, comme le fait de voler ou le fait de faire la fornication ou le fait d'acheter le riba, de manger ou de prendre ou de tirer profit des intérêts, ou shorb al-muskirat, boire des boissons qui rend la personne ivre, uquq al-walidain, désobéissance aux parents, wa ghayru dhalika min al-kaba'ir, et autre que ça parmi tous les grands péchés. Ces grands péchés ne font pas sortir de l'islam. Fa huwa shaykh yurid an yaqul lak la yajuz lil muslim an yukaffir al-muslim bi sabab ma'siyah إذا لم تكن من الكفر أو من الشرك. Donc il veut nous dire qu'il n'est pas permis à un musulman de taxer de mécréant un autre musulman qui a fait un péché qui n'est pas de la mécréance et qui n'est pas de l'association. Donc tu n'as pas le droit de dire à un musulman qui a bu de l'alcool, tu es un kafir. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire à un musulman qui a pratiqué la fornication par faiblesse qu'il est un mécréant. Tu n'as pas le droit. واضح. Il nous dit ما لم يستحل ذلك. Tant qu'il ne dit pas que c'est halal. ما معنى هذا؟ الذي يسرق لا نقول كافر. وإذا استحل سرقة بمعنى أنه قال حلال السرقة الآن يكفر بالله. لماذا؟ لماذا يكفر بالله؟ لأن الله حرم السرقة وهو قال لا السرقة حلال الآن يكفر. لا يكفر بسبب سرقة، يكفر بسبب أنه قال السرقة حلال والله قال حرام، خالف قول الله عز وجل، كذب الله والعياذ بالله. Donc ensuite il nous dit que lorsqu'une personne fait un grand péché qui ne provoque pas la mécréance, on n'a pas le droit de la taxer de mécréante tant que cette personne ne dit pas du péché qu'elle a fait qu'il est licite et qu'il est permis. Un exemple, nous n'avons pas le droit de dire d'un musulman qui vole que cet homme est un mécréant. Sauf si cette personne dit qu'il est permis de voler, alors qu'il sait qu'Allah a interdit le vol. À ce moment-là, cette personne va mécroire en Allah, pas à cause du vol, à cause du fait qu'elle a renié le fait qu'Allah ait rendu interdit, illicite le vol, elle a contredit la parole d'Allah. Allah a dit, c'est interdit, et lui a dit, c'est halal. Vous avez compris? الذي يسرق ليس بكافر وإذا سرق وقال هذا حلال يعلم أن الله حرم هذا الآن يكفر لأنه كذب الله واضح الحمد لله. Ensuite il nous dit, quelle est la preuve de ça, ما الدليل على هذا؟ الدليل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الله لا يغفر أن يشرك به, بمعنى أن الله عز وجل لا يغفر لإنسان إذا مات على شرك وما تاب إلى الله. أما إذا تاب إلى الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا, يغفر الله عز وجل كل الذنوب. لكن الإنسان إذا مات على عبادة غير الله, على الشرك بالله, ولا يتوب إلى الله, لا يغفر الله له. هذا النصف الأول من الآية. الله nous dit, certes il ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. C'est-à-dire, Allah ne pardonne pas à une personne qui a adoré autre qu'Allah et qui a fait de l'association. Il ne lui pardonne pas si cette personne meurt sans avoir demandé pardon à Allah. Mais si cette personne meurt après avoir demandé pardon à Allah et s'être repenti à Allah, alors Allah lui acceptera son repentir et lui effacera ses péchés. Car Allah a dit dans l'autre verset, certes Allah pardonne tous les péchés, et il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne meurt en ayant commis l'association, et sans s'être repenti, Allah ne lui pardonne pas. Si la personne meurt en ayant demandé pardon à Allah, Allah lui pardonne. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي تحت الشرك يغفر الله لمن يشاء. ما معنى هذا؟ أن يوم القيامة الناس يأتون إلى الله للحساب, منهم من أشرك بالله, فمن أشرك بالله ولم يتوب إلى الله لا يغفر الله له, ومن لم يشرك بالله ولكنه شرب الخمر أو عق والديه أو كذب أو عمل كبائر الذنوب ولم يتوب هو تحت مشيئة الله. بمعنى أن الله عز وجل ينظر في حاله, إذا أراد بعدله وحكمته أن يدخله النار حتى يدفع ثمن الذنوب ثم يخرجه ويدخله الجنة يفعل هذا, وإذا أراد برحمته وفضله أن يرحمه مباشرة لا يدخله, هو يستحق النار بسبب ذنوبه لكن رحمة الله واسعة فربما يغفر له ويدخله الجنة. الذي يموت لا يشرك بالله ولا يتوب إلى الله من كبائر الذنوب هو تحت مشيئة الله, منهم من يدخلهم الله مباشرة الجنة ومنهم من يدخلون النار ثم يخرجون ويدخلون الجنة والمسلم لا يخلد في النار أبدا. Donc Allah nous dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, mais à part en dessous de cela, en dessous du péché de l'association, il pardonne à qui il veut. Le jour du jugement dernier, les gens arriveront, ceux qui ont fait l'association et qui n'ont pas fait le repentir, Allah ne leur pardonnera pas et ils seront éternels en enfer, qu'Allah nous en préserve. Mais ceux qui n'ont pas fait l'association et qui ont fait des grands péchés, comme celui qui aurait bu de l'alcool, ou qui aurait pratiqué la fornication, ou menti, ou désobéi à ses parents, et il n'a pas demandé pardon à Allah, il est mort dans le péché, celui-là sera sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah va choisir. Parmi ces gens-là, il y en a qu'Allah va décider de faire entrer ces gens en enfer, pour qu'ils payent leurs péchés, puis il va les faire sortir quand ils auront fini de payer leurs dettes, et ils entreront au paradis. Et si Allah décide de faire ça, c'est parce qu'il est juste et il est sage. Et Allah ne fait d'injustice à personne. Et parmi ces gens, il y en a qu'Allah Azza wa Jal va décider de faire entrer au paradis et les préserver de l'enfer, par sa miséricorde. Quoi qu'il arrive, la décision qu'Allah prendra, ça sera la meilleure décision parce qu'Allah est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Et également, des hadiths nous sont venus nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fera sortir de l'enfer les gens qui auront dans le cœur ne serait-ce que un atome de foi ou un grain de moutarde de foi. Donc ceux qui ont la foi ou le minimum nécessaire pour ne pas rester éternellement en enfer, ceux-là, ils sortiront de l'enfer. فالمسلم فبعد الزمان الطويل والطويل والطويل لا يكون مسلم في النار كلهم يخرجهم الله عز وجل فالمسلمون مآلهم الجنة ولكن نحن نريد مباشرة ما نريد النار ثم الجنة فلا بد من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et nous voulons entrer directement au paradis, nous ne voulons pas d'abord passer par l'enfer. Nous voulons aller directement au paradis, il nous est donc obligatoire d'obéir à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يقول لك من الإيمان بالله أن تحب المسلمين والمؤمنين أن تحبهم وأن تحب في الله وأن تبغض في الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Donc il nous dit, il fait partie de la foi en Allah d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, de prendre en allié des gens pour Allah et de prendre en ennemi d'autres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui prive pour Allah aura certainement complété sa foi. فمعنى هذا أن المسلم المؤمن يحب الله. Le croyant il aime Allah. فالمؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. Le croyant doit aimer ce qu'Allah aime et il doit détester ce qu'Allah déteste. والله عز وجل يحب المؤمنين فالمؤمن يحب المؤمنين والله تعالى يبغض الكافرين فالمؤمن يبغض الكافرين. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من ترك منكم دينه من أراد أن يترك الدين فليسمع هذا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله يحبهم وهم المؤمنون ثم قال في الآية الأخرى إنه لا يحب الكافرين فإذا كان يحب المؤمنين أنت تحب المؤمنين وإذا كان لا يحب الكافرين أنت لا تحب الكافرين وهذا معنى الحب في الله والبغض في الله. Donc l'amour en Allah et l'animosité en Allah consiste à aimer ce qu'Allah aime et à détester ce qu'Allah déteste. Subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc aimer les croyants et détester ceux qui ne partagent pas ta foi, ceux qui ne partagent pas ta conviction et ta croyance. Allah Azza wa Jalla a dit qu'il aime les croyants et il a dit qu'il n'aime pas les mécréants. Cela veut dire que toi, automatiquement, tu dois aimer ce qu'Allah aime et tu ne dois pas aimer ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. طيب. أما المؤمن فأنت تحب المؤمن على قدر صلاحه وعلى قدر أعماله الصالحة. فإذا كان المؤمن قوي الإيمان تحبه أكثر من ضعيف الإيمان. وإذا كان من العلماء لا شك أن تحب أنك تحب العلماء أكثر من تحتهم. وإذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن تحبهم أكثر من غيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم تحبه أكثر من الناس جميعا. فالحب يتفاوت بقدر تفاوت الناس في الصلاح على قدر الصلاح على قدر الصلاح. Donc concernant le croyant, tu dois aimer le croyant en fonction de ses actions et de sa piété. Plus il est pieux, plus tu l'aimes. C'est pour cela que tu vas aimer quelqu'un qui est pieux plus que quelqu'un qui ne l'est pas. Parmi les gens qui sont pieux, tu vas aimer les savants plus que ceux qui ne sont pas des savants. Parmi les savants, tu vas aimer le plus grand savant, parce qu'il est encore plus pieux. Tu vas aimer les compagnons plus que les autres. Et tu vas aimer le prophète plus que les compagnons. Donc, ton amour que tu ressens pour les croyants va différer en fonction de la piété de celui que tu aimes. Mafhoum, wadih? Donc, si la personne est pieuse, tu vas l'aimer. S'il n'est pas pieux, tu ne vas pas l'aimer comme celui qui est pieux. C'est pour ça que tu dis à tes enfants, ne fréquente pas un tel et un tel. C'est pour ça que tu dis à tes enfants, reste avec lui, ne reste pas avec lui. Lui, tu le préfères parce qu'il est pieux, salih. Et lui, tu le préfères pas parce qu'il est pas comme celui-là. Donc, c'est comme ça que tu aimes ou que tu détestes. Que tu aimes ou que tu détestes. وَهَذَا وَاضِحٌ. Et plus le croyant qui est pervers, qui fait des dhunoub, des ma'asi, tu l'aimes pour sa foi, et en même temps tu le détestes pour ses péchés. Tu le détestes pour ses péchés. Si sa foi augmente, ton amour pour lui va augmenter. Si ses péchés augmentent, ton amour pour lui va diminuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu ne fais qu'aimer ce qu'Allah aime, et détester ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. وَهَذَا وَاضِحٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. قال والموالاة في الله والمعاداة في الله أن تتخذ المؤمنين أولياء كما أمرنا الله عز وجل والكافرين أعداء كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. Donc Allah عز وجل nous dit والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah dit dans le verset, les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Donc tu vois que tu dois être l'allié des croyants. Ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable, ils accomplissent la prière, ils payent la zakat. Voici ceux à qui Allah va faire miséricorde. Certes, Allah est puissant et sage. Subhanahu wa ta'ala. Donc par conséquent, si eux sont tes alliés, ceux qui ne partagent pas la même croyance que toi ne sont pas tes alliés. الذي يخالف عقيدتك ولا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ليس من أوليائك. ليس من أوليائك. Celui qui ne partage pas ta croyance en Allah, au prophète et en l'islam n'est pas un allié pour toi. ولذلك قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. يخرجهم من الظلمات إلى النور. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. يهديهم يعلمهم الخير. Il les guide, il leur montre le bien. Ensuite Allah a dit والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les tarout. Tout ce qui est en dehors d'Allah, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc les alliés ne sont pas les croyants. Les alliés de ceux qui ne sont pas croyants ne sont pas les croyants. هذا واضح. فأنت وليك هو المؤمن. والكافر ليس وليا لك. Donc ton allié c'est le musulman, le croyant. Et le kafir, celui qui n'est pas croyant, n'est pas ton allié. وليس معنى هذا أن نظلم الكفار. ليس معنى هذا. Le sens de ce qu'on est en train de dire, on ne veut pas dire de faire de l'injustice aux kuffars. لا. بل نحن ندعوهم إلى الإسلام ونريهم الأخلاق الحميدة. أخلاق الإسلام. On se doit de leur montrer les bons comportements de l'islam et de les appeler à l'islam. ومع ذلك ليسوا أولياءنا. Et cela, tout en prenant compte qu'ils ne sont pas nos alliés parce qu'ils n'ont pas la même croyance que nous. وهذا واضح ولله الحمد. وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et à la tête des croyants que nous devons aimer, les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة يحبونهم أي الصحابة ويوالونهم يتخذونهم أولياء ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق على صحته. Il nous dit, les gens de la sunna et du groupe aiment et prennent pour alliés les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont pour croyance que les compagnons sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Ahsan al-nas al-anbiya thumma al-sahaba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont mon siècle, ma génération. Ensuite, ceux qui vont les suivre. Ensuite, ceux qui vont les suivre. وَهُمْ الصَّحَابَةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ ثُمَّ أَتْبَعُ التَّابِعِينَ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah Azza wa Jal nous parle de ces gens-là dans le Coran. Il nous dit, les premiers à être rentrés dans l'islam, parmi ceux qui sont venus de la Mecque et ceux qui viennent de Médine et ceux qui les ont suivis, Allah les a agréés et ils sont satisfaits d'Allah. Donc ce sont les trois premières générations. Wal muslim yajibu alayhi an yattabi'a hadha as-sirat as-sahaba wat-tabi'in wa atba' at-tabi'in. Et le croyant doit suivre les compagnons, les suiveurs des compagnons et la troisième génération. ويعتقدون أن أفضلهم من أفضل الصحابة لا شك في هذا ويعتقدون نعم أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم علي لا ثم عثمان ثم علي ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين. ما معنى ذو النورين؟ لماذا ذو النورين؟ لأنه تزوج ببنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. تزوج بواحدة فلما توفاها الله عز وجل تزوج بثانية. نوران ذو النورين. ما معنى عمر الفاروق؟ أيوة، لأن الله عز وجل فرق بين الحق والباطل بعمر رضي الله تعالى عنه. ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. Les gens de la sunna ont pour croyance que les meilleurs des compagnons sont Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه, puis عمر الفاروق, puis عثمان, puis علي. أفضل الصحابة وهم الخلفاء الراشدون. Ils sont les califes bien guidés. وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة. Ensuite, les dix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis ou a annoncé, à qui il a annoncé la bonne nouvelle qu'Allah va les faire entrer au paradis. هم أحياء يمشون على الأرض والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنت في الجنة أنت في الجنة أنت في الجنة. الله أكبر. Ils étaient dix et le prophète عليه الصلاة والسلام leur a dit, un par un, toi tu entreras au paradis, tu entreras au paradis. Donc eux, ces dix, ils sont les meilleurs après les quatre, après les Al-Khulafa al-Rashidin. Al-Khulafa al-Rashidin, ils font partie des dix. Ils font partie des dix. طيب. وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ. Les gens de la sunna ne parlent pas de ce qui s'est passé entre les sahaba. إِذَا حَصَلَ خِلَافْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ hein, أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ يَسْكُتُونَ. لماذا؟ لأن الله رضي عنهم. رضي الله عز وجل عنهم. فالمسلم لا يتكلم هكذا. حصل كذا، حصل كذا. لا، يسكت ويمسك. وهذا عقيدة أهل السنة. Les gens qui ont la croyance de la sunna se taisent et ne parlent pas de ce qui s'est passé entre les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون. Et ils ont pour croyance que les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, ont fait un effort d'interprétation. S'il s'avère qu'il s'est passé une chose entre eux, une malentente qui a mené à un désaccord ou à des gros problèmes, celui qui suit la sunna ne doit pas parler des compagnons et ne doit pas y aller rentrer dans ces choses-là. Il doit avoir pour croyance que les compagnons ont le droit de faire l'effort. d'interprétation et qu'il est possible qu'il se trompe. فَمَنْ أَصَابَهُ فَلَهُ أَجْرَانَ فَمَنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانَ Celui qui a eu correct dans la décision qu'il a prise, il aura deux récompenses. وَمَنْ أَخْطَ فَلَهُ أَجْرْ وَاحِدْ Et celui qui s'est trompé aura une récompense. وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم et les gens de la sunna aiment la famille du prophète صلى الله عليه وسلم المؤمنين به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويترضون عنهم جميعا يقولون اللهم ارضى عنهم جميعا أهل السنة les gens de la sunna aiment la famille du prophète صلى الله عليه وسلم Et ils aiment les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car les femmes du prophète sont les mères des croyants. Allah azza wa jalla a dit, wa azwajuhum ummahatuhum. Et les femmes du prophète sont les mères des croyants. Wa lidhalika taqul, Aisha ummul mu'minin. Khadija ummul mu'minin. Khadija la mère des croyants. Aisha la mère des croyants. Radiyallahu ta'ala anhun jami'an. Pourquoi il nous dit cela? Pourquoi il nous dit que nous devons aimer la famille du prophète? Il va nous répondre tout de suite. وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَسُبُّونَهُمْ وَيَغْلُونَ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ وَيَرْفَعُونَهُمْ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِمُ الَّتِي أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهَا كَمَا يَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ Et là, il nous montre qu'il y a des gens qui prétendent être des musulmans. هناك أناس يدعون أنهم مسلمون يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويقولون أنهم كفار. من هم الروافض الشيعة شيعة الروافض هم يعتقدون أن أبا بكر كافر ويعتقدون أن عمر كافر ويعتقدون أن عثمان كافر. ويعتقدون أن عائشة زانت والعياذ بالله ويعتقدون في الصحابة ما لا يجوز بل ما هو كفر بالله سبحانه وتعالى فهم أعداء أهل السنة والجماعة لروافض les chiites de la branche des rafidites ou des rawafid ils ont pour croyance que Abu Bakr, Omar, Uthman et la plupart des sahaba quand le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam ils sont tous sortis de l'islam. Et c'était des hypocrites. Iyadhan billah. De cette parole. Ils disent que Aisha radiyallahu anha a commis la fornication. Wa li'iyadhu billah. Wa yaqulun, al-rawafid yaqulun fi tafsiri qawlillah, inna Allah ya'muru an tadbahu baqara. Tadurun mada yaqulun? Al-baqara Aisha. Wa li'iyadhu billah. Dans leur livre, al-rawafid, ils disent, quand Allah a dit Allah vous ordonne d'égorger une vache. Moussa, il a dit à son peuple cette phrase. Ils disent que la vache, c'est Aïcha. يَقُولُونَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبْ وَتَبْ الْيَدَانْ أَبُو بَكْرُ وَعُمَرْ يعني مات أبو بكر وعمر الموت الموت عليهم والعياذ بالله يقولون هذا. Ils disent du verset que les deux mains de Abu Lahab meurent. Ils disent, c'est-à-dire que Abu Bakr et Omar meurent. فَهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ عِيَاذًا بِاللَّهِ كيف وقد قال الله عز وجل قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أليس فيهم أبو بكر عمر عثمان من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم قبلهم أجمعين ورضوا عنه الله عز وجل il nous dit qu'il a agréé les compagnons et qu'il est satisfait des compagnons qu'il est donc satisfait des compagnons. Et il faut savoir que leur centre, Rawafid, hiya hum fi Iran. Yani la plupart des Rawafid, ils sont dans plusieurs pays. Mais leurs chefs, ils sont fi Iran. Et fi l'Irak. Et ils sont aussi fi l'Bahreïn. Ils sont en Irak, en Iran, en Irak. Ils sont aussi fi l'Bahreïn. Et ils sont aussi dans beaucoup de pays. Et eux, ils insultent les compagnons du prophète, wal'iyadu billah. ولا شك أن هذا العمل كفر بالله. Sans aucun doute, ceux qui insultent les compagnons, comme eux ils le font, et qui disent que les compagnons sont des kuffars, ce sont eux les kuffars. Et ce ne sont pas les sahaba du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. طيب ثم قال ويسبونهم ويغلون في أهل البيت. Ils insultent les compagnons et ils exagèrent quand ils parlent de la famille du prophète. لأن الروافض, parce que ces gens-là, ils ont exagéré sur Fatima et son mari Ali et ses enfants Al-Hassan ou Al-Hussein. Et eux, ils ont tellement exagéré sur eux qu'il y en a qui les adorent. Et les chiens, أنت تقول يا الله هو يقول يا حسن يا الحسين أنا ما أقول هذا أنا سمعته أنا ورأيته أنا. Ce que je vous dis, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreilles. Quand tu vas faire le hajj et tu vas voir les rawafid, tu vas les entendre avec tes oreilles. Toi, tu vas lever les mains et tu vas dire ya Allah et tu vas l'entendre à côté de toi devant la Kaaba يدعو غير الله والعياذ بالله. Devant la Kaaba, il demande à Hussein et Hassan de demander Allah. فَجَزَاهُمُ اللَّهُ مَا يَسْتَحِقُونَ هَؤُلَا ظَالِمُونَ. Ils sont injustes, qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent. Et donc ces gens-là ont levé la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement haut qu'ils ont exagéré. حَتَّ مِنْهُمْ فِي زَمَنْ عَلِي رضي الله عنه قَالُوا يَا عَلِي أَنْتَ اللَّهُ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. فَمَاذَا فَعَلَ عَلِي رضي الله عنهم قَتَلَهُمْ جَمِيعًا. فلما قتلهم قبل أن يموتوا قالوا أنت الله حقيقة. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque de Ali radiallahu anhum? Ils ont dit à Ali, c'est toi Allah. Ali, quand il a entendu ça, il les a tués. Comment il les a tués? Il a creusé un trou et il a mis un feu, il les a mis dedans, il les a brûlés. Certains voient qu'il n'aurait pas dû faire comme ça, mais nous on rentre pas dans ça. Nous, ce qu'on veut retenir là, c'est que il a, lui, bien sûr, Ali, c'est le gouverneur, c'est le juge, il prend les décisions, d'accord? Radiallahu anhu. Donc, Ali il a ordonné à ce qu'il soit exécuté, et ces gens-là, ils ont dit au Ali, il n'y a que le Seigneur du feu. لا قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار فأنت عذبتنا بالنار أنت الله فماتوا على هذا. Ils ont dit, il n'y a que le Seigneur du feu qui châtie avec le feu. Et toi, tu nous as châtié avec le feu. Ça veut dire que tu es vraiment Allah. Wal'iyadu billah. Donc, ils sont, hum darajat, fil kufr, wa darajat, fil dalal. Ils sont plusieurs degrés dans leur croyance. Kama yatabarra'una min tariqatin nawasib alladhina yu'dhuna ahla al-bayt, bi qawlin aw amal. Et également, les gens de la sunna, ils se désavouent des nawasib. Ce sont des gens qui ont insulté la famille du prophète. Donc, Rawafid, ils ont adoré la famille du prophète. Et Nawasib, ils ont insulté la famille du prophète. Et Ahlus Sunnah, ils sont au milieu. Ahlus Sunnah, la ya'budun azwaj al-Nabi, wa la ya'budun ahl al-Nabi, ou salatahu alayhi salatu salam. La, innama yattabi'unahum wa yuhibbunahum. Wa fi nafsi al-waqt, la yasubbunahum, fahum fil wasat. Les gens de la sunna sont au juste milieu. Ils n'insultent pas les compagnons. Et ils ne sont pas d'accord avec ceux qui ont levé trop haut en degré la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, ils ne sont pas d'accord avec ceux qui ont rabaissé la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens de la sunna suivent le haq. Walillahi alhamd. Thumma qal. وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه. هذه هي العقيدة الصحيحة التي تدخلك الجنة. Il nous dit que tout ce que nous venons de citer, c'est-à-dire tout ce que nous venons de lire ici, depuis qu'on a commencé à lire cet épître, il nous dit tout cela est la croyance correcte qu'il faut avoir, avec laquelle Allah a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que c'est la croyance du groupe sauvé ou de la fraction qui est rescapée, qui sont les gens de la sunna et les gens du consensus et du groupe. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique, il y aura toujours un groupe ou une partie de ma communauté qui restera secourue dans la vérité. Et ceux qui les abandonneront ne les nuiront en rien du tout jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. Jusqu'à le jour de la, jusqu'à la dernière heure. Donc Allah Azza wa Jalla, le Nabi alayhi sallam, il nous a montré que les musulmans, parmi les musulmans, il va toujours rester, même s'il y en a qui vont s'égarer, comme les Rawafid, comme les Nawasib, comme tous les autres, même si les Rawafid, ils sont kuffar, mais certains parmi les égarés, il restera toujours un groupe qui s'accrochera à la vérité, et Allah va sauver ce groupe-là jusqu'à ce qu'arrive la dernière heure. Allah Azza wa Jalla a dit, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَقَالَ أَيْضًا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Allah a dit, certes, nous sauvons nos messagers et ceux qui ont cru dans ce bas monde et le jour où les témoins se lèveront, le jour du jugement dernier. Et Allah a dit, notre parole a été prononcée, c'est-à-dire la parole d'Allah a été décidée et prononcée au sujet de ses messagers, ce sont eux qui seront sauvés. Et mon armée, ou l'armée d'Allah, sont eux qui seront les vainqueurs. Et l'armée d'Allah, ou le groupe, l'armée d'Allah, ce sont les gens de la sunna. Wa qala alayhi salatu wa salam, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة المسلمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة, من هي يا رسول الله؟ قال, من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي, من اتبع طريقي أنا وطريق أصحابي, وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما يخالفها. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 fractions, en 71 groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun a eu sa façon de penser. Chacun il a choisi de penser comme il veut dans la religion. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et ma communauté va se diviser en 73 groupes. Qui seront tous en enfer, sauf un seul. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, quel est ce groupe qui sera sauvé de l'enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui suivent ma voie et la voie de mes compagnons. Ceux qui suivent ma voie et la voie de mes compagnons, c'est eux qui vont rentrer au paradis et qui vont être préservés de l'enfer par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est eux qui seront les bien guidés. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a dit, wa anna hadha sirati mustaqiman. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل الطرق الأخرى هذا طريق الله واحد مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لا تتبعوا الطرق الأخرى لا شمال ولا يمين اتبعوا الكتاب والسنة قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تضلون عن سبيل الله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah a dit dans le verset, dit, et voici mon chemin dans toute sa rectitude, mon chemin droit. Suivez-le donc, et ne suivez pas les autres chemins. Car ils vous éloigneront, ils vous égareront du droit chemin. Voici ce qu'Allah vous donne comme injonction. Voici ce qu'Allah vous enjoint. Ainsi atteindriez-vous la piété. Fal muslim, يتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله وطريق الصحابة رضي الله عنهم يفهم الدين كما يفهم الصحابة يطبق الدين كما يطبق الصحابة لأن دين الله تعالى كامل. La religion d'Allah est complète, et le musulman suit la même religion que celle des compagnons. Et tous ceux qui prétendent qu'en 2010 ou en 2011 on doit pratiquer la religion autrement, هذا كلام خطير في حكمة الله. يقول أن الله ليس بحكيم شاء أم أبى لأن الله علم أحوال الناس فهو الذي خلقهم وعلم المستقبل وهو الذي شرع هذا الدين فإذا شرع هذا الدين فمعناه أنه مناسب وصالح لكل زمان ومكان الله سبحانه وتعالى nous a légiféré cette religion qu'il a rendue complète et parfaite. Elle n'a aucun manquement. Et il nous dit de suivre cette religion jusqu'à ce que l'heure arrive. Il n'est donc pas permis à un musulman de croire qu'en 2011 on ne peut plus pratiquer cette religion ou bien que on doit la changer. Cela est une insulte dans la sagesse d'Allah. Car cela, cette personne qui dit ça, prétend qu'elle connaît mieux qu'Allah ou qu'elle est plus sage qu'Allah. Et donc c'est la croyance en laquelle il faut s'accrocher fortement et il ne faut jamais se dévier de cette croyance car c'est cette croyance là qui te fait entrer au paradis. Quant à ceux qui sont en contradiction avec cette croyance que nous devons suivre et qui ne la suivent pas, ils sont plusieurs sortes. أصناف أنواع كثيرة الناس الذين لا يتبعون الإسلام. Ceux qui ne suivent pas l'islam, ils sont beaucoup de sortes. فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء يعبدون الأولياء الملائكة والجن والأشجار والأحجار وغيره وغيرها. فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء ويذبحون لهم وينظرون لهم فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فلم يزال صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم عن الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا فظاهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. Ensuite il nous dit que parmi les gens qui se sont égarés du chemin de l'islam et qui n'ont pas suivi l'islam, il y a ceux qui ont adoré les statues et les représentations et ceux qui ont adoré al-malaika et ceux les anges et qui ont adoré al-awliya les wali, Sidi Foulan ou Sidi Foulan. نحن نعرف هذا في بلداننا. On connaît ça dans nos pays. Tous ceux-là, ils sont rentrés dans cet égarement. Al-awliya ou al-djinn. Ils ont adoré le djinn. Et ils ont adoré l'ashjar, les arbres. Ils ont adoré l'ahjar, des pierres. يتمسحون ويتبركون. البركة في قبر فلان والبركة في جدار بيت سيدي فلان وهكذا. Ceux qui se frottent sur les murs. حتى الذين يتمسحون بجدار في المسجد النبوي في في في عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتمسحون يظنون أن فيها البركة وهذا شرك بالله البركة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى فالإنسان يتبرك بالله. نعم تفضل أخي الكريم. هؤلاء الذين يتمسحون هناك نعم يعتقدون أنهم مسلمون إذن نحن نحن نعتقد أنهم جهال وقد أخطأوا ويجب علينا أن نبين لهم لأن منهم من لا يعرف ربما ولد في بيئة ما تعلم العلم الصحيح وما بلغته الحجة فهو لا يعرف فالواجب على الذي يعرف ويعلم أن يذهب إليه ويأخذ بيده وينصح له ويقول قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستعجل يقول أنت عملت الشرك أنت كافر لا يستعجل ينصح له ويعلمه فنحن محتاجون إلى من يعلم للناس الخير ولكن نقول عملهم شرك هل هم مشركون ربما ما يعرفون أن هذا شرك فلا نحكم بسرعة فهمت؟ لأن أهل السنة أحرص الناس على أن يبقى المسلمون مسلمين، لا يريدون أن يخرجوا الناس من دينهم. هذا هو. Donc, c'est que l'akhir. Donc, ceux qui adorent les statues, qui adorent les tombes, qui adorent les djinns, qui adorent les pierres, qui adorent, ceux-là, ils ont fait du shirk. Et le frère m'a demandé qu'est-ce qu'on va dire de tous ces gens qui font ça. La réponse est que on doit leur apprendre. Si toi demain tu vois une personne qui fait une chose comme ça, on t'a pas demandé de venir et de lui dire un takafir. Tu es un mécréant. Là, tu dois venir et lui enseigner et lui apprendre. Et lui apprendre. Et lui dire, قال الله, قال الرسول. Et tu dois lui faire comprendre ce que tu lui dis. S'il sait que ce qu'il fait c'est du shirk, et il continue, c'est à ce moment-là qu'il yakfur billah. Fahamt? Tayyib. فَهَاُولَا لَمْ يَسْتَجِبُوا لِدَعْوَةِ الرَّسُولِ. Ceux-là, tous ceux qui ont adoré les statues, les djinns, etc., ils n'ont pas répondu à l'appel des messagers d'Allah. Et ils ont même contredit, et ils se sont entêtés à suivre autre que cette voie. Comme a fait Quraysh. Quraysh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient les statues. Ils adoraient l'asnam à côté de la Kaaba. D'accord? Et ils demandaient qada al-hajat wa shifa al-marda, la guérison, le secours, etc., à leur statue en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et leur a dit, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. La ta'abudu illallah tuflihu. Ou vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Fahum ta'ajjabu. Ils se sont étonnés. Et ils ont répondu, aja'ala al-alihata ilahan wahida ay. Ya'muruna an naqula la ilaha illallah wa an la na'abuda illallah wahda wa nahnu na'abudu hadihi al-asnam. Yurid an natruka al-asnam wa na'abudu Allah wahda. Inna hadha la shay'un ujab. Hadha ajib. Ils ont dit, cet homme-là, il veut qu'on délaisse toutes ces statues et qu'on adore que Allah. C'est vraiment là étonnant. Innahum yaqulun ma arifna hadha fi aba'ina al-awwalin. Nous n'avons pas connu ça dans nos ancêtres. Wa hadha min akbari abwab ad-dalal. Parmi les pires sortes d'égarements, an taqul abi qala kadha, jaddi qala kadha, idha kana qawlu abik mukhalifan lil-haqq. Amma idha kana muwafiqan fala ba's. Si Un des pires égarements, c'est que lorsque tu viens et tu dis à quelqu'un, قال الله, قال رسول الله, il dit non, mes ancêtres, ils ont fait ça. Dans mon pays, ils ont fait ça. Ils ont pas dit ce que tu dis. Là, يا أخي, si tu dis قال الله, قال رسول الله, tu dois prendre la preuve. Et tu dois arrêter de faire ce que tu fais. C'est ce que Quraysh, ils ont fait. Ils ont refusé de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas cessé de les appeler à Allah et de les mettre en garde contre le shirk billah. Subhanahu wa ta'ala. Et il leur a enseigné la réalité de ce que on doit suivre. Et c'est ça qu'on doit enseigner à ces gens-là qui font tous ces péchés. Comme le prophète il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a guidé beaucoup de gens parmi eux. Et ils sont entrés dans la religion groupe par groupe. Afwaja, idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fawjan, fawjan, fawjan, fawjan. Ils sont rentrés groupe par groupe. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a pris le dessus sur toutes les autres religions après avoir fait un prêche constant ba'da da'watin mutawasila. Après avoir tout le temps appelé Allah. Fayafham al-muslim annahu la budda an yasbir ala da'wati an-nas ila Allah. Le musulman, il doit patienter lorsqu'il appelle les gens à Allah. Et beaucoup de gens vont appeler les gens et vont vouloir les conseiller. Alors tu vas voir une personne qui va appeler quelqu'un et qui va lui dire ce que tu fais est haram ou ce que tu fais est wajib. Il ne t'écoute pas. Tu vas tomber dans une erreur. Qu'est-ce que tu vas faire? Il ne m'écoute pas, je ne lui parle plus. وَهَذَا خَطَى. هَذَا خَطَى. C'est une erreur. أَنْتَ لَا بُدَّ أَنْ تَصْبِرْ الْيَوْمْ غَدًا بَعْدَ يَوْمْ بعد أسبوع بعد شهر تدعو الله وترجع تدعو الله اللهم اهديه ترجع حتى يهديه الله عز وجل والهداية بيد الله ليست بيدك. Toi tu dois continuer à expliquer aux gens, à expliquer, à leur enseigner, à leur apprendre comme le prophète faisait sallallahu alayhi wa sallam. Il a guidé dans la main d'Allah et pas dans la tienne. Subhanahu wa ta'ala. Donc, après avoir fourni de longs efforts, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé beaucoup de gens à l'islam. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية. وهذا صحيح. Ensuite, il nous dit, le Cheikh rahimahullah, après que l'islam ait pris le dessus, après que l'islam avait la force et pris le dessus, l'ignorance est revenue et les gens ont arrêté d'apprendre leur religion. Et on est en plein dedans. Les gens ont arrêté d'apprendre leur religion. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Les gens sont revenus petit à petit comme ils étaient avant. Comme ils étaient avant. Et ils sont retombés dans le shirk sans s'en rendre compte. Ils sont retombés dans la désobéissance d'Allah. فَضَعُفَتِ الْأُمَّ. Et la communauté musulmane, elle a faibli. Pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans, même la plupart des musulmans, n'apprennent pas et n'étudient pas leur religion. Et celui qui est الذي لا يتعلم يخطي ويذنب بدون شك. Celui qui n'apprend pas sa religion, il va se faire des fautes. Et il va faire des péchés sans aucun doute. Et il nous dit que la plupart des gens sont revenus comme al-jahiliya, comme avant l'islam. بِالْغُلُوِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَدُعَائِهِمْ وَالْإِسْتِغَاثَةِ بِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ وَلَمْ يَعْرِفُوا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ كَمَا عَرَفَ مَعْنَاهَا كُفَّارُ الْعَرَبِ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Il nous dit que la plupart des gens de maintenant ont fait de l'excès avec les prophètes. Al-ghulu bil anbiya. Ils ont fait de l'excès avec les prophètes. فَدَجِدُوا مَنْ يُسَمِّي وَلَدَهُ عَبْدَ النَّبِي وَهَذَا غُلُو فِي النَّبِي. Tu vas trouver des gens qui ont appelé leurs enfants عَبْدُ النَّبِي, serviteur du prophète. وَهَذَا غُلُو فِي النَّبِي. Tu vas trouver des gens qui disent اشفع يا رسول الله وهذا غلو في النبي ولا يجوز وهذا شرك. Tu vas trouver des gens qui vont dire oh messager d'Allah اشفع, donne-moi la shafa. Et ça c'est de l'excès interdit et c'est du shirk. Donc والأولياء, et les gens pieux, tu vas trouver des gens qui font des excès. Donc une personne qui est pieuse qui va mourir, dès qu'on va l'enterrer, les gens vont venir faire le tawaf autour de sa tombe. Ma indak walad, idhhab ila sidi fulan. Ma anta waladuka marid, sidi fulan. Subhanallah. Tawajjah ila Allah. Ya ayyuha an-nas, antum al-fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghani wal-hamid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tatruk al-qawi al-'aziz al-wahid al-ahad wa tadhhab ila qabr. وربما هو في عذاب القبر ما يدرك كيف تعلم أنت كيف تذهب إلى ميت وتترك الحي الذي لا يموت. والله عز وجل يقول هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Donc ces gens-là ont fait de l'excès même dans ce qu'ils appellent les wali, les saints. Ils ont été leur demander ce que nous doit demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque son fils est malade, je vais voir le saint, un tel, dans sa tombe. Lorsqu'il n'arrive pas à réussir, il n'arrive pas à avoir d'enfant, il va voir dans la tombe, il va demander, wal'iyadhu billah. Alors qu'Allah Azza wa Jal a dit, oh vous les hommes, vous avez besoin d'Allah, vous êtes les besogneux envers Allah, et Allah se passe de vous, et il mérite la louange. C'est Allah qui donne tout, c'est Allah qui reprend tout. Comment un muslim qui dit la ilaha illallah va demander à autre qu'Allah une chose que seul Allah Azza wa Jal peut donner? Comment un muslim qui entend que Allah, min fawqi sab'i samawat, au-dessus des sept cieux, a dit, demandez-moi, je vous donne. Allah Azza wa Jal qala laka, utlub minni u'atik. Tadhhab ila qabr. Allah Azza wa Jal a dit, demande-moi et je te donne. Tu vas voir une tombe. Et cela est fait dans beaucoup de nos pays. Nas'al Allah Azza wa Jal an yahdiya جميع المسلمين وأن يردهم إلى الدين ردا جميلا ودعائهم والاستغاثة بهم. Et donc il demande le secours des pieux et des morts. وهذا من أنواع الشرك. ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب فالله المستعان. Ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah alors que كفار العرب قريش, ils ont compris ce que veut dire la ilaha illallah. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » dites « لا إله إلا الله » vous récolterez le succès. « مباشرة فهموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله » ils ont compris que ça veut dire que seul Allah mérite l'ibad ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة نترك هذه الأصنام كلها ونعبد الله وحده. هذا معنى لا إله إلا الله، هم فاهموا هذا. والآن كثير ممن يقول أنا مسلم ما يفهم معنى لا إله إلا الله، وإذا سألته قال معناه لا خالق إلا الله، وهذا ليس معنى لا إله إلا الله. لأنه لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فمعنى هذا أن قريشا مؤمنون، لأن الله قال في قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قريش يقولون الله خلق كل شيء، قريش مؤمنون؟ لا. فلا إله إلا الله ليس معنى لا خالق إلا الله، وإنما معناه لا معبود بحق إلا الله. لذلك قال الله، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا واضح بإذن الله تعالى. Donc il nous dit que la plupart des gens de maintenant ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah, alors que les premiers ou que les kuffars de Quraysh connaissaient le sens de la ilaha illallah. Car beaucoup de gens, si tu les interroges aujourd'hui, ils vont dire la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. Et cela est faux. Car lorsque le prophète a.s. a dit à Quraysh, dites la ilaha illallah, ils ont tout de suite compris que ça voulait dire personne, aucune divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. C'est pour ça qu'ils ont dit, veut-il que l'on abandonne toutes ces statues et qu'on n'adore que Allah? Donc ils ont compris que la ilaha illallah, ça veut dire abandonner tout sauf Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et celui qui croit que la ilaha illallah, ça veut dire que il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, il se rend pas compte, mais il dit que Quraysh sont des croyants. Parce qu'Allah nous dit de Quraysh, lorsque tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah. Quraysh, ils savent qu'Allah est le seul à avoir créé les cieux et la terre. Donc la ilaha illallah, ma'naha, la ma'bouda bi haqqin illallah. قال ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. Il nous dit que l'association n'a cessé de se répandre et de se propager jusqu'à notre époque à cause de l'ignorance de la plupart des gens et après la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين. Il nous dit que les gens qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on va prendre tout le temps l'exemple de ceux qui adorent les gens qui sont dans les tombes. Ils ont la même ambiguïté, la même shubha, le même argument que Quraysh, le même. ما هذه الشبهة؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Quraysh, lorsqu'ils adoraient les statues, ils disaient que ce sont des intermédiaires, wasa'it, بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فنحن أصحاب ذنوب أصحاب معاصي نستحي أن نطلب من الله مباشرة، فنطلب من الولي لأنه قريب من الله يشفع لنا، وهذا شرك بالله كما فعل الأولون نفس الشيء، لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والأنبياء وسائط في تبليغ الرسالة ليس وسائط في العبادة. في العبادة ما عندك وسيطة، في العبادة ارفع يديك وادعو الله عز وجل، ما عندك وسيطة، لأن الوسيطة هذا من الشرك بالله كما فعل الأولون. Donc il nous dit que l'ambiguïté de ces gens-là est la même que l'ambiguïté des premiers associateurs qui disaient, ils sont, en parlant des divinités qu'ils adoraient, ils disaient, ils sont nos intercesseurs chez Allah. C'est-à-dire, ils disaient, on a trop de péchés et on ne peut pas demander directement à Allah. Alors, nous demandons à eux, ou nous leur demandons d'intercéder pour nous chez Allah. Nous leur demandons de demander pour nous à Allah, parce qu'on a honte de demander directement à Allah. Et cela est la même chose qu'on fait Quraysh. Et il disait, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est-à-dire, on leur fait ces invocations juste pour être proches d'Allah. Et les prophètes ont été des intermédiaires dans la transmission du message. Ils ne sont pas des intermédiaires dans l'ibad. Dans l'ibad, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah. Tu demandes directement à Allah. فقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد شرك به وكفر. Et Allah Azza wa Jalla a dissipé cette ambiguïté et il a montré de façon claire que celui qui adore autre qu'Allah, qui qu'il soit, a mécru et a fait de l'association. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne leur nuit en rien, il ne leur sert à rien et il ne leur ramène aucun intérêt, et ils disent ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla a montré qu'ils ne leur servent à rien et que quand le musulman veut prendre un intermédiaire entre lui et Allah, cela ne lui sert à rien et qu'il a fait du shirk wal a'yadu billah. وقال فرد الله عليهم سبحانه بقوله. Allah a donc répondu à eux avec cette parole. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Dis, يا رسول الله, dis à ces gens-là, réponds-leur. Allez-vous informer d'Allah de ce qu'Allah ne sait pas dans le ciel et sur terre? Qu'Allah soit exempté et qu'il soit purifié, élevé au-dessus de ce qui lui associe. Parce que toi, quand tu veux faire une chose dans ce bas monde, tu prends un intercesseur. Par exemple, toi, tu veux te marier, d'accord? Et tu veux te marier avec la famille du frère. Tu veux te marier avec une femme dans la famille d'un frère, d'accord? Mais tu ne les connais pas. Lui, il va pas t'accepter parce qu'il ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un intercesseur. Tu vas prendre quelqu'un qui connaît bien le frère et tu vas lui dire, va lui parler de moi. Lui, le frère, quand il va voir cet intercesseur qu'il connaît et qu'il va l'entendre dire, je le connais, huwa ala khair, huwa salih, huwa kada kada, il est bien, le frère, il va accepter. Pourquoi il va accepter? Parce que l'intercesseur, il est venu lui informer de la situation de cette personne. Toi, tu le connais pas. Tu as besoin qu'on te dise qui il est. Est-ce qu'Allah il a besoin de ça? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il a besoin qu'on vienne lui dire, ya Allah, Fulan, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça? Là. C'est pour ça qu'Allah il a dit ici, ya Rasulallah, réponds à ces gens-là. Dis-leur, vous croyez que vous allez informer d'Allah de ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Vous croyez qu'Allah il a besoin d'un intercesseur qui va venir lui informer de ce qui se passe sur les cieux et sur la terre? Vous avez compris? Fahimt? Allah ma yahtaj ila wasita. فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم من الشرك الأكبر وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فرد الله عليهم سبحانه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه وأكذبهم في قولهم إن آلهتهم تقربهم إليه زلفا. Ensuite il nous dit que Allah a montré de façon claire à travers ces versets que celui qui adore autre qu'Allah et qui prend un intermédiaire entre lui et Allah a fait le shirk al-akbar, a fait la grande association qui fait sortir de l'islam, même s'il dit que ce n'est pas du shirk. Parce qu'Allah a dit dans le verset, ceux qui prennent en dehors d'Allah des alliés, al-wali, al-awliya, ou des intercesseurs, ils disent, on ne fait cela que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ce n'est pas du shirk. On ne veut juste se rapprocher d'Allah. Ce sont juste des intermédiaires. Allah a répondu, certes, Allah va juger entre eux le jour du jugement dernier dans cette divergence. D'accord? Certes, Allah ne guide pas ceux qui mentent et ceux qui sont kuffar, qui sont mécréants. Donc Allah a montré que ceux qui adorent autre qu'Allah a fait du kofr, de la mécréance. Et il a dit qu'ils sont des menteurs et que ça ne les rapprochera jamais d'Allah. Donc celui qui va voir, il va demander un mort, ça ne lui rapprochera jamais d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça fait combien de temps qu'on a commencé le dars? Une heure trente-cinq. Sabran jamilan. Un peu de patience, inshallah. Et celui qui veut s'en aller, la ishkal. Il peut y aller. ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة لا إله يقولون ومن أصولهم إنكار المعاد ينكرون القيامة وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها. Il nous dit, parmi les croyances qui sont en contradiction avec la vraie croyance du musulman avec laquelle Allah a envoyé les messagers, la croyance des gens qui sont athées. Les gens qui sont athées dans notre époque, qui sont les gens qui suivent Karl Marx et Lénine et Staline et autres que. Parmi les gens qui ont appelé les gens à dire il n'y a pas de Dieu. Ils ont appelé les gens à dire il n'y a pas de Dieu et la vie c'est que de la matière. C'est de l'argent et c'est de la santé et de la nourriture et des vêtements et il n'y a pas de Dieu. Wal'iyadu billah. Et ces gens-là ont des partis, comme le socialisme, comme le communisme, comme le parti bas. Tout ça sont des partis qui ont la croyance qu'il n'y a pas de Dieu. Et il fait partie de leur croyance de croire qu'il n'y aura pas la résurrection. Allah ne va pas nous ressusciter. Et il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas l'enfer. Et toutes les religions sont fausses, y compris l'islam. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا. Et celui qui regarde et qui étudie leurs livres à ces gens-là va être sûr de ce que nous sommes en train de dire. ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. Il n'y a pas de doute que la croyance de ces gens-là est en contradiction avec la croyance des religions qu'Allah a fait révéler, de l'islam, qu'Allah a fait révéler du ciel. Et que celui qui a cette croyance va perdre dans ce bas monde et dans l'au-delà. ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقد بعض الباطنية وبعض الصوفية من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب. Il nous dit, parmi les croyances qui sont en contradiction avec la vraie croyance du musulman, la croyance des batiniyya, qui sont une branche des shi'a, et des mutasawwifa, qui sont as-sufiyya. Qui ont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? يقولون الأولياء يقولون كن فيكون والعياذ بالله. Ils disent الأولياء, ils disent soit et la chose existe. Allah il a dit إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهم يقولون الولي أيضا يقول كن فيكون. يقول كن عندك ولد. يقول كن يشفيك. يقول كن يرزقك. Ils disent que les alliés et les pieux ont le pouvoir de choisir ce qui va se passer. Et lorsqu'ils veulent une chose, ils n'ont qu'à dire existe, et cette chose existe. Si tu n'en as pas d'enfant, ils croient que leur saint et leur pieux est capable de te donner un enfant en disant simplement kun fayakun. wal'ayadu billah. Ils disent que ces saints sont capables de faire des choses que seul Allah est capable de faire, et cela fait partie du pire de l'association. لأن الكفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة. Donc cela est pire que l'association de Quraysh. Car même Quraysh n'ont jamais dit ça. Quraysh, ils n'ont jamais dit que autre qu'Allah peut créer. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu les interroges qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah. Et ces gens-là qui font cette association, parmi les Soufiyah al-Batiniya, les branches de Shia et autres, ils ont un shirk plus grave que le shirk de Quraysh. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما شركوا في العبادة وكان شركهم في حال الرخاء وأما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Allah nous dit que Quraysh, quand ils étaient dans la mer et qu'ils étaient en danger de se noyer et qu'il n'y avait personne pour les aider, ils savaient qu'en vérité c'était il n'y avait qu'Allah qui était capable de les sauver. Alors il disait, Ya Allah, la yunadjina illa ant, nadjina, fa yunadjihimullah, azza wa jal. Falamma nadjahum ila al-bar, idha hum yushrikun. Lamma kanu fil bar, wasalu ila al-bar, ila sahil, ya'uduna ila al-shirk, wa yirji'una ila al-shirk. Quraysh. Et lorsqu'Allah azza wa jal les sauvait de la noyade et de la tempête dans la mer, ils arrivaient sur la plage, ils adoraient autre qu'Allah. Et les gens de maintenant qui font le shirk de maintenant, contrairement à Quraysh, lorsqu'ils sont dans la noyade, yad'ouna ghayr Allah. Quraysh adore autre qu'Allah et ils font du shirk. Et lorsqu'ils sont en danger, ils reviennent qu'à Allah. Et les associateurs de maintenant, parmi des gens qui prétendent être des musulmans, lorsque ils sont en danger de mort, la yaqulun ya Allah, yaqulun ya fulan, ya fulan. Ils ne disent pas ya Allah, ils disent oh un tel, oh un tel. Donc ils font du shirk pire que Quraysh. Wal iyadu billah. Amma ar-rububiyya fa kanu mu'tarifina biha lillah wahdahu kama qala subhanahu wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Quraysh savait qu'Allah était le seul à avoir créé. Lorsqu'on leur demande qui les a créés, ils répondront c'est Allah. Wa qala ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قريش يعلمون هذا, الله وحده يفعل هذه الأمور. فقل أفلا تتقون. الله جي وصم خفت عليه الصلاة والسلام جي كي est-ce qui vous octroie la subsistance du ciel, il vous fait tomber la pluie, et de la terre, il vous fait pousser la nourriture, et qui est-ce qui vous a qui possède l'ouïe, lorsque vous entendez la vue, et qui est-ce qui fait sortir le vivant du mort, et le mort du vivant, qui est-ce qui donne la vie, qui donne la mort, et qui est-ce qui organise tout ce qui se passe dans ce monde-là, ils te répondront, c'est Allah. Allah nous dit que Quraysh savent que le seul à faire ça, c'est Allah. Donc Quraysh sont moins graves que les associateurs de maintenant. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ. N'allez-vous pas craindre Allah? Et les versets qui nous montrent cette chose-là sont très nombreux. Les associateurs de maintenant ont fait de l'association plus grave que les associateurs d'avant dans deux choses. La première chose, c'est qu'ils ont fait de l'association dans Rububiyya, c'est-à-dire qu'ils ont dit autre qu'Allah est capable de créer, est capable de donner des enfants, est capable de guérir, alors qu'il n'y a qu'Allah qui est capable de faire ça. الثاني والثانية شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر وعند قبر العيدروس في عدن هذا في اليمن والهادي في اليمن وابن عربي في الشام والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق وغيرها من القبور المشهورة التي غالت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل، وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. La deuxième chose qui fait que l'association des gens de maintenant est plus grave qu'avant, c'est que les gens de maintenant font de l'association même quand ils sont dans la détresse, quand ils sont en danger de mort. Et pire encore, l'association, le shirk qu'ils font quand ils sont en danger de mort, il est plus grave que le shirk qu'ils font quand ils sont dans l'aisance. Wal'iyadu billah. Et celui qui voit ces gens-là va le voir, comme ceux qui ont adoré les tombes de l'Hussein et de l'Badawi en Égypte, et les tombes de l'Aïdarous et de l'Hadi au Yémen, qu'ils appellent l'Awliya, Ibn Arabi fi Sham, Abd al-Qadir al-Jilani en Irak. Tout ça, c'est tout ce dont on est en train de parler, c'est des tombes, des grosses tombes, et les gens venaient autour de la tombe et demandaient Shifa, Rizq, Al-Awlad, Wal-Iyadu Billah. Donne-moi des enfants, donne-moi. Et ça, c'est du shirk, Wal-Iyadu Billah. Et peu de gens ont enseigné aux gens que c'est grave et que c'est de l'association. Les gens qui appellent al-Tawhid, qui appellent les gens à adorer qu'Allah, ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux, et Allah nous sommes, et vers Allah nous retournerons. وَنَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى رُشْدِهِمْ وَأَنْ يُكْثِرَ بَيْنَهُمْ دُعَاةَ الْهُدَى وَأَنْ يُوَفِّقَ قَادَةَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَهُمْ لِمُحَارَبَةِ هَذَا الشِّرْكِ وَالْقَضَاءِ عَلَيْهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَأَنَا أَسْمَعُكُمْ تَقُولُونَ آمين. هذا دعاء. Donc il nous dit, nous demandons à Allah Azza wa Jal de guider tous ces gens-là et de les ramener à la vérité, et de mettre beaucoup de gens qui enseignent le khair et qui enseignent aux gens le haq, et qui guident les gouverneurs des musulmans et les savants des musulmans pour faire la guerre au shirk billah. Parce que le shirk billah, c'est le pire des péchés, wal'ayadu billah. Et pour détruire complètement le shirk billah, certes, Allah entend tout et il est proche. Wa hadha nakhtimu bihadha. Et nous allons terminer. Wa min al-aqaid al-mudaddati lil-aqidati al-sahiha fi bab al-asma'i wa-sifat. أسماء الله وصفات الله عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفات المعدومات والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. Il nous dit que parmi les mauvaises croyances qui sont en contradiction avec la vraie croyance du musulman, la personne ou les gens de l'innovation, comme Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya, c'est un groupe, firqa, dalla, wahum atba' al-Jahm ibn Safwan. Wahum yaqulun, Allah Azza wa Jal, la yasma', la yara, la yarham, la yukrim, la yahdi, la yudil, la yaf'alu shay, laysa lillahi sifat, wa laysa lillahi asma'. Allah laysa bi karim, la yukrim ibada. Allah laysa bi rahim, la yarham. وهذا ضلال عظيم والعياذ بالله. سبب هذا الضلال الفلسفة وعدم التعلم العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة. Donc il nous dit la croyance égarée des gens de la secte al-Jahmiyya, qui sont les suiveurs de al-Jahm ibn Safwan. Et ce sont une secte de gens qui ont nié et ont réfuté tous les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Allah n'est pas Karim, Allah n'est pas Rahim, Allah n'est pas Malik, Allah n'est pas Wahid, Allah n'est pas. Ils ont nié tous les noms d'Allah, Azza wa Jal, à cause de la philosophie. Et parce qu'ils n'ont pas étudié la vraie science. Parce que lorsque les Grecs, la philosophie, ça vient de la Grèce, comme vous savez. Lorsque les livres de philosophie grecque ont été traduits dans la langue arabe, et que les Arabes ont arrêté de lire le Coran, et qu'ils ont commencé à lire les livres de philosophie grecque, ils ont commencé à se poser des questions, beaucoup de questions, jusqu'à ce qu'ils ont changé l'aqida, la vraie croyance. Et ils sont arrivés à dire, Allah laysa bi karim, Allah laysa bi rahim, iyadan billah, min thalik. Wal mu'tazila, atba' wasil, rajul ismuhu wasil, je ne me rappelle plus son fils comment il s'appelle, mais c'est un homme qui s'appelle wasil. Et cet homme-là, ces gens-là, yuthbitun asma Allah, walakin yaqulun Allah laysa lahu sifat. Ay Allah yaqulun Allah karim, lakin laysa lahu karam. Allah rahim, laysa lahu rahma. Al-Jahmiya yaqulun Allah laysa birahim, wala laysa lahu rahma. Al-Mu'tazila yaqulun la, nahnu naqul Allah karim, Allah rahim, lakin naqul laysa lahu karam wa laysa lahu rahma. Wa hadha dalalun azim. Al-Mu'tazila eux, ils sont égarés, mais ils sont différents de l'Jahmiya. Ils ont dit, on affirme les noms d'Allah, mais on nie et on réfute les attributs. Et ils ont dit, Allah il est Karim, mais il n'a pas le Karam. Allah est Rahim, mais il n'a pas le Rahma. Et tout cela, ils sont aussi égarés. Et tous les gens qui ont nié les noms d'Allah, et qui ont nié la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tellement qu'ils ont nié, ils ont fait ressembler Allah à des choses impossibles. Parce qu'ils ont dit, Allah, il n'a pas de karam. Allah n'a pas de miséricorde. Allah n'a pas... Ils ont nié tout ce qu'Allah a. Donc en vérité, qu'est-ce qu'ils ont nié? Ils ont nié l'existence d'Allah. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ نَفَى بَعْضَ الصِّفَاتِ وَأَثْبَتَ بَعْضَهَا. Il y a aussi parmi les gens un groupe qui a affirmé certains des noms d'Allah, des attributs d'Allah, mais qui a nié les autres. مَنْ هُمْ قَالْ كالأشاعرة. Et c'est le groupe des أشاعرة. الأشاعرة الآن هم جماعة الأحباش. جماعة الأحباش, le groupe qu'on appelle le groupe des أحباش. Ces groupes là, ils ont une association qui s'appelle APBIF, Association de Projet de Bienfaisance Islamique en France. جمعية المشاريع الخيرية والإحسان في فرنسا. Et ils ont des calendriers. Comment ils font pour ramener les gens dans leur groupe? Ils ont des calendriers comme les calendriers de la prière et ils vont les vendre dans les marchés. 2 euros, 3 euros, et ils veulent vendre leur calendrier. Et vous savez que dans chaque mois, il y a toujours un petit hadith, un petit rappel, et dedans ils glissent leur poison. Ils glissent leur poison. Et dedans ils mettent Allah, il a pas rahma. Allah, il a pas kada. Allah, il a pas kada. Mais ils mettent petit à petit. Et toi, tu t'en rends pas compte. Et tu lis le premier mois, le deuxième mois, jusqu'à ce qu'à la fin du calendrier, tu vas dans leur mosquée et tu deviens comme eux. Wal'iyadu billah. Et ces gens-là, ils disent de toi, de moi, de nous, là, qu'on est des kuffars. Pourquoi? Parce qu'on a dit, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Parce qu'on a dit, Allah, il est en haut de tout. Et ils ont dit, la yajouz an taqul Allah fawqa al-ibad. Nahnu qulna Allah qal huwa al-qahir fawqa ibadih. Nous on répond, Allah a dit, il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. قَالُوا لَا لَيْسَ مَعْنَا هَذَا. Et ils ont fait la philosophie. Non, ça ne veut pas dire ça. Non, ça ne veut pas dire. Et هُمْ الْأَشَاعِرَ. هُمْ الْأَشَاعِرَ. طيب. فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُمْ فِي مَا أَثْبَتُوهُ مِنَ الصِّفَاتِ نَظِيرُ مَا فَرُّوا مِنْهُ فِي الصِّفَاتِ الَّتِي نَفَوْهَا وَتَأَوَّلُوا أَدِلَّتَهُمْ أَدِلَّتَهَا فَخَالَفُوا بِذَلِكَ الْأَدِلَّةَ السَّمْعِيَّةَ وَالْعَقْلِيَّةَ وَتَنَاقَضُوا فِي ذَلِكَ تَنَاقُضًا بَيِّنًا. Ensuite, il nous dit que ces gens-là, l'Asha'ira, ils ont renié les attributs d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si tu dis qu'Allah est la Rahma, ça veut dire que tu as fait ressembler à la Rahma de l'abd. Et c'est pas vrai. Allah Azza wa Jal, Rahmatuhu wasi'at kulla shay. Anta indak Rahma. Lakin Rahmatuka ma wasi'at kulla shay. Toi, tu as la miséricorde. Mais ta miséricorde, elle n'a pas englobé toute chose. Donc qui est celui qui a la vraie, la grande miséricorde complète? C'est la miséricorde d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah yarana, wa anta tarani. Fahal tara kama yara Allah, hasha wa kalla. Allah voit, et toi tu me vois. Est-ce qu'on voit de la même façon? On ne voit pas de la même façon. Donc lorsqu'on a dit qu'Allah voit, ça ne veut pas dire qu'on a dit qu'il voit comme les serviteurs, comme les abd. Ça ne veut pas dire ça. Et l'ashaira, c'est ce qu'ils disent. Mais eux, en faisant ça, en vérité, ils sont tombés dans un autre égarement. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont refusé de dire qu'Allah a la rahma. Parce qu'ils ont dit, si on dit qu'Allah a la rahma, ça veut dire qu'on a dit qu'Allah a la même rahma que les autres parmi ses créatures. Mais en faisant ça, en vérité, ils ont fait ressembler. هم تفكروا وتأملوا. قالوا نحن نقول الله رحيم عنده رحمة فمعنى هذا أنه رحمة رحمته كرحمة غيره. إذن لا, هم شبهوا الله عز وجل, شاءوا أم أبوا. En fait, ils ont fait ressembler Allah à sa créature, parce qu'ils ont réfléchi. Et c'est après avoir ressemblé, à faire ressembler Allah à sa créature, qu'ils ont déduit que c'est pas possible. Donc ils se sont égarés en vérité. Et en s'égarant et en se contredisant, ils n'ont pas suivi les preuves du Coran et de la Sunna et les preuves du Aql al-Salim. وهذا آخر ما نقول. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها ولن يصلح آخرهم إلا بما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما. Il nous dit que les gens de la Sunna et du consensus ont affirmé les noms et les attributs qu'Allah lui-même a affirmés dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que rien ne ressemble à Allah et qu'Allah est parfait. Et ils n'ont pas réfuté les noms et les attributs d'Allah. Donc, ils se sont préservés de la contradiction. Ils ne se sont pas contredits comme tous ces groupes égarés. Et il nous dit que cette croyance, donc tout ce qu'on vient de lire depuis le début, c'est la croyance qui va faire entrer les gens au paradis. Et c'est la croyance qui va rendre les gens heureux dans ce pas monde et dans le-delà et qui va les faire réussir. Et c'est le sirat al-mustaqim, le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été suivi par les imams de cette communauté et par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les derniers de cette communauté ne réussiront que s'ils suivent les premiers de cette communauté. Les derniers de cette communauté ne vont réussir que s'ils suivent les premiers. Regardez la communauté l'Umma al-Islamiyya al-An. Regardez la communauté musulmane pour comment elle est maintenant. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'elle ne suit plus les premiers. Si elle revient à la vraie aqida sahiha et les gens arrêtent de faire du shirk et les gens arrêtent yasubbun Allah fi kathir min al-buldan, comme on sait tous, dans beaucoup de pays musulmans, les gens ils insultent Allah juste parce qu'ils s'énervent, ils insultent Allah. Quand les gens arrêteront de faire le shirk, quand les gens arrêteront de se moquer de le Coran, de la Sunna, quand les gens arrêteront de faire du sihr, quand les gens arrêteront de faire toutes ces choses-là et qu'ils reviendront à suivre le chemin des sahaba, Allah Azza wa Jal va accorder la victoire à la umma al-islamiyya. Et donc il est obligatoire de suivre le Coran wa Sunna et de délaisser tout ce qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. نحمد الله عز وجل على هذه العقيدة ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا صالح الأقوال والأعمال ويكفر عنا سيء الأعمال والأقوال وأن يرحم أمهاتنا ويدخلهن الجنة إنه ولي ذلك وهو القادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم كل شيء واضح سؤال في هذا الموضوع لا الحمد لله